Eh bien, êtes-vous content de moi, monseigneur ? Assurément, chère dame. Vous avez quelque chose à me demander ? Vous vous rappelez ce que vous avez fait pour notre ami Schlemihl ? C'est l'ombre d'Hoffmann que vous voulez ? Non. Demandez-lui son reflet. Son reflet ? Doutes-tu donc de la puissance de tes yeux ? Je n'ai qu'un mot à dire pour qu'il soit à mes pieds. À la bonne heure. Celui-ci, madame. Votre main tremble. Quelle crainte ou quel regret a fait tomber cette larme de vos yeux. Ce n'est pas moi qui peux vous rendre heureux. Ah, Juliette, ne me refusez pas la douceur de vous aimer. Allez, partez. Soyez heureux avec qu'une autre vous donne ce bonheur que j'aurais voulu vous donner. Tu m'aimes donc aussi? Oui, je t'aime. Il est à moi. Vous causiez avec Giulietta, monsieur? Oui, monsieur. Cela vous fâche-t-il? Si vous ne l'aimez pas, cela m'est indifférent. Mais si vous l'aimez, cela me fâche. Eh bien, fâchez-vous donc à votre aise, car je l'adore. Je suis aimé. Oh, je devrais pour toute vengeance vous laisser aux mains de cette sirène. Mais non, j'ai pitié de vous. Et je veux vous guérir de la passion folle qui m'a perdu. Comment cela, monsieur ? Avec ceci, monsieur. Vous ne pouvez pas vous battre sans épée. Tenez, prenez la mienne. Soit ! À nous trois, mes maîtres. Tu dois quitter Venise au plus vite. Impossible. Parce que tu l'aimes, n'est-ce pas? Oui, je l'aime. Ah, tu es fou. Je vais faire sceller deux chevaux et t'attendre sur la route. Je n'irai pas. Soit. Dans un quart d'heure, je te fais enlever par deux portefaix. De gré ou de force, tu me suivras. Malheureux, qu'avez-vous fait? Que m'importe, si la mort vient me trouver dans tes bras. Il faut fuir, pars pour l'Allemagne. Te quitter, Juliette, te quitter, non, je t'aime.